La chatte métamorphosée en femme. Fable 18 du livre 2e des Fables de Jean de La Fontaine. Un oral de Jean Lambert pour LibriVox.org. La chatte métamorphosée en femme. Un homme chérissait éperdument sa chatte. Il la trouvait mignonne et belle et délicate, qui miaulait d'un ton fort doux. Il était plus fou que les fous. Cet homme donc, par prière, par larmes, par sortilège et par charme, fait tant qu'il obtient du destin que sa chatte, en un beau matin, devient femme. Et, le matin même, Maître Sot en fait sa moitié. Le voilà fou d'amour extrême, de fou qu'il était d'amitié. Jamais la dame la plus belle ne charma tant son favori. Que fait cette épouse nouvelle, son hypocondre de mari? Il l'amadoue, elle le flatte. Il n'y trouve plus rien de chatte, et, poussant l'erreur jusqu'au bout, la croit femme en tout et partout. Lorsque quelques souris qui rongeaient de la natte troublèrent le plaisir des nouveaux mariés. Aussitôt, la femme est sur pied. Elle manqua son aventure. Souris de revenir, femme d'être en posture. Pour cette fois, elle a couru à point. Car ayant changé de figure, les souris ne la craignaient point. Ce lui fut toujours une amorce, tant le naturel a de force. Il se moque de tout, certain âge accompli. Le vase est imbibé, l'étoffe a pris son pli, en vain de son train ordinaire on veut le désaccoutumer. Quelque chose qu'on puisse faire, on ne saurait le réformer. Coups de fourche ni d'étrivière ne lui font changer de manière, et fussiez-vous en bâtonnet, jamais vous n'en serez les maîtres. Qu'on lui ferme la porte au nez, il reviendra par les fenêtres. Fin de La chatte métamorphosée en femme. Fable 18e du livre 2 des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public.